Putain, Philippe. Ouais. C'est Philippe le pitbull qui mange du cul. Philippe le pitbull qui mange des culs. Il mange des culs. Putain, si je t'entrave des culs, il bouffe des chattes. Philippe le pitbull qui mange des culs. Putain, Philippe. Philippe, bordel de merde. Philippe, merde. Philippe, mais qu'est-ce que tu prends, Philippe? Allons! Mais putain, mais tu te caches où, Philippe? Philippe, ah, t'es un bon yinche. T'es un bon pit. T'es fidèle, toi, hein? Ouais, t'es fidèle. Ah, viens, fais risette. Philippe, fais risette. Vas-y, Philippe. Fais risette à maman. Fais risette, Philippe, putain, allez. Vas-y, fais risette, ouais.